La conversation scientifique par Étienne Klein. Il n'y a rien de plus simple que le principe de la conversation scientifique. L'idée que j'ai souvent rappelée est la suivante. Un scientifique s'entretient librement avec un autre homme ou avec une femme. Ils s'entretiennent de science, mais parlent aussi du reste, par petites touches complices, en vertu d'une certaine politesse de l'esprit, chère à France Culture, que Bergson avait promue par l'argument suivant. La politesse sous toutes ses formes, écrit-il, politesse de l'esprit, politesse des manières et politesse du cœur, nous introduit dans une république idéale, véritable cité des esprits, où la liberté serait l'affranchissement des intelligences et l'égalité un partage équitable de la considération. Fin de citation. C'est ainsi que j'ai chaque semaine le plaisir de dialoguer avec d'autres scientifiques, avec également des philosophes, des artistes, des écrivains, des historiens ou encore des alpinistes. Mais, m'a-t-on fait remarquer, je n'ai encore jamais reçu d'émailleur sur cuivre. On m'a aussi signalé, là encore à juste titre, que je n'avais jamais invité de maître de cœur, ni n'avais jamais conversé avec un moine. Alors aujourd'hui, je me propose de me rattraper en faisant d'une pierre trois coups. J'ai invité un trio professionnel, une sorte de trinité de personnes rassemblées en un seul corps, et ce corps est celui de François Cassin-Génna, Trévely. Bonjour à vous. Bonjour Étienne. Alors vous êtes tout ça à la fois, vous êtes une superposition quantique d'un émailleur sur cuivre, d'un maître de cœur, d'un moine bénédictin au monastère de Ligugé, vous êtes aussi un randonneur, bref, vous êtes quelqu'un d'assez vaste, si j'ose dire. Et j'avais une première question sur votre nom, Cassin, on dit Cassin-Génna. Cassin-Génna. C'est un nom italien. C'est un nom italien d'Italie du Nord, oui. Et Trévely, c'est avec un Y, c'est breton. C'est un nom breton. Alors, le village de la moisson. Alors, comment est-ce que ça s'explique? Comment ça s'explique? Ce nom composé, très long. C'est une volonté personnelle pour honorer les deux versants de mes origines. Donc, je suis né à Rome et de père d'origine italienne et biologiste et d'une mère bretonne, du Morbihan. Et j'ai voulu honorer ces deux sources, donc comme gallo-romain. Voilà. Vous êtes gallo-romain. Je suis gallo-romain. Quand je vous vois, je pense à un concept dont j'ai fait la connaissance il y a peu et qui m'a, disons, régalé l'esprit, c'est la péricorèse. Oui. Alors j'ai compris que c'était un terme qui avait été popularisé par Jean Damascène au 8e siècle. Tout à fait. Il ne désigne pas François Hollande faisant le tour de la Corrèze, mais le mode d'union des trois personnes de la Sainte Trinité, c'est-à-dire l'interpénétration des personnes les unes dans les autres, dans une unité parfaite et dans le respect absolu de leur propriété personnelle. Bref, c'est tout à fait ça. C'est la fusion sans la confusion. Concile de Chalcédoine. Donc vous êtes une sorte de péricorèse à vous tout seul, une péricorèse à échelle humaine, on pourrait dire. Et on pourrait aussi rappeler, et ça ajoute une dimension, que vous êtes normalien et émailleur sur cuivre, je l'ai dit, et j'imagine que ce n'est pas rue d'Ulm qu'on apprend l'émaillage sur cuivre, ni d'ailleurs l'émaillage sur quoi que ce soit d'autre. Non, tout à fait, c'est au monastère. Alors, comment est-ce que vous êtes retrouvé à l'école normale supérieure, en tant que philosophe? En tant que lettre classique. Lettre classique. Donc, je fais la promotion 1978, et j'ai passé le concours en lettre classique, et après j'ai fait mon mémoire de maîtrise en lettres classiques avec Jean Taillarda sur Ténèbres et Lumières dans le théâtre d'Eschyle. Ouh là là. Et vous saviez déjà à cette époque que vous vouliez devenir moine? Oui. C'était déjà. J'ai fait un stage monastique aussitôt après mon entrée à l'école. Et alors, maître de cœur, ça s'apprend où? Maître de cœur, ça s'apprend sur le tas. D'abord avec une pratique dont je pratique le chant grégorien depuis 40 ans à peu près, et évidemment j'ai pas été maître de chœur tout de suite, mais j'assume cette charge depuis une douzaine d'années, donc il s'agit de promouvoir le chant de la communauté et le chant de la scola, de quelques frères qui sont un peu plus compétents, voilà, mais c'est une responsabilité très belle, très exigeante, très quotidienne aussi. Et l'émaillage sur cuivre, c'est aussi une activité quotidienne? C'est une activité quotidienne depuis à peu près 22 ans, oui, que j'ai apprise au monastère. Et je travaille dans même des pièces uniques, c'est-à-dire je fabrique surtout des émaux pour des églises, pour des particuliers, des improvisations, voilà. J'ai travaillé par exemple pour le Carmel d'Angers, des tabernacles pour Paris, en Périgord, la chapelle militaire de Poitiers, ce qui me vaut à chaque fois des rencontres intéressantes et un très, très beau travail. Mais alors si je vous invite, c'est pour tout cela à la fois, mais aussi parce que vous publiez ces jours-ci un livre qui rassemble les chroniques que vous avez écrites entre 2014 et 2018 pour la revue Études. Et ce livre s'intitule « De l'air du temps au cœur du monde ». Avec, je ne sais pas si c'est un sous-titre, en tout cas c'est un bandeau qui dit « Un moine dans la cité ». Bon, d'abord, vous avez une écriture absolument magnifique, hein. Très travaillée. C'est vrai que pour moi, l'écriture est un exercice vraiment monastique. Et c'est pas du tout une diversion par rapport à mon existence, mais je dirais, tout passe par là. Mais on sent aussi que vous êtes très connecté. Vous connaissez bien ce qui se passe dans la cité. Vous en sortez beaucoup du monastère, j'ai l'impression. C'est vrai. Déjà, j'en sors une fois par semaine puisque j'enseigne à l'Institut catholique de Paris depuis 18 ans dans le domaine de la liturgie ou de la patristique. Ce qui fait qu'effectivement, chaque semaine, j'ai une immersion dans la ville. Et puis aussi d'autres échappées belles, si on peut dire, dans d'autres domaines, d'autres horizons, que ce soit dans le monde des marins-pêcheurs, dans le monde de la paysannerie auvergnate. Voilà. Vous avez parcouru l'Auvergne à pied, ça vous a inspiré un livre. Oui. Vous êtes un grand randonneur. C'est vrai, oui. Depuis le Puy de Sancy jusqu'au Puy Marie. Et cette traversée du plateau du Cézallier qui a été un éblouissement. Un rude éblouissement, mais un grand événement spirituel aussi. Mais vous avez mille vies. Comment est-ce que vous trouvez C'est vrai, j'ai une synthèse de vie. Et c'est de manière assumée et volontaire, dans l'espace d'une seule existence, pouvoir faire la synthèse, au fond, de plusieurs existences possibles, non pas amateurs, mais réellement partagées. Alors, on en vient à ce livre de chronique, hein, donc « De l'ère du temps au cœur du monde ». Vous dites dans la préface qu'il s'agit d'une intention, voire d'une tentation politique qui traverse votre œuvre. Et en effet, ce sont des textes dont certains sont très politiques. Et vous concluez ce texte en disant « C'est finalement pour réparer que l'on regarde, pour construire que l'on critique et pour agir que l'on pense ». C'est vrai, dans l'intention politique ou la veine politique, au sens fort du terme, c'est-à-dire police, la ville, la civilisation, elle traverse aussi mes étincelles, les quatre tomes des étincelles qui sont parus depuis 2004. Et parmi les étincelles, il y en a un certain nombre qui vont dans ce sens du regard sur la société, sur l'actualité. Voilà, mais dans ce livre, effectivement, tout va dans ce sens. Alors, votre première chronique, elle pose le tableau, elle pose la question qu'est-ce qu'un événement ? Alors on dit en général qu'un événement se produit lorsque quelque chose advient, un quelque chose qui est capable de bouleverser en partie la situation en faisant advenir des éléments qui n'étaient ni donnés ni déterminés. Un événement est donc un surgissement, un jaillissement imprévisible, un jet de singularité qui bouleverse notre rapport au temps ordinaire et nous éloigne de l'ordre prédicatif. Charles Péguy, qui, je crois, vous inspire beaucoup. Oui, beaucoup. Votre écriture est très différente de la sienne, mais on sent des préoccupations, communes. Il est dans le sang de l'écriture, oui. Il disait, quand il n'y a plus rien où se prendre, on sent qu'on est dans l'événement même. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais vous dites aussi que les médias nous proposent une indifférenciation totalitaire d'événements, une sorte de polyphonie de l'insignifiance. Et vous ajoutez qu'il n'y a pas de fait divers pour ceux qui en sont l'épicentre. Ça veut dire que l'événement doit changer de statut et de définition pour être vraiment quelque chose qui nous parle ? C'est vrai que lorsque l'on vit intensément, et je parle du mot intense dans ces chroniques, lorsque l'on vit en profondeur, lorsqu'on accède au mystère des choses, tout peut devenir événement, et les choses les plus simples. Il dépend de nous. Au fond, de notre gravité intérieure, de notre centre de gravité, de notre manière de descendre dans le fond les choses, pour que tout devienne événement. Mais alors, ces chroniques s'interrompent en 2018, donc l'incendie récent de Notre-Dame n'est pas chroniqué par vous. Hélas. Pour des raisons de date. Mais c'était un événement, on est tous c'était d'accord un là-dessus. Événement. Et comment est-ce que, si vous aviez eu l'occasion d'écrire une chronique à propos de cet événement, qu'est-ce que vous auriez mis en avant? Je serais parti peut-être de l'effondrement de la voûte comme un symbole qui laisse le ciel ouvert. Et je crois que c'est la situation dans laquelle, spirituellement, nous sommes aujourd'hui, avec l'effondrement d'un édifice. Et nous sommes à ciel ouvert, avec tout ce qui peut se produire, avec la grande incertitude qui en résulte, avec un exode aussi possible, une grande nudité, une grande pauvreté, un grand inconfort. Et il nous faut vivre désormais, avoir le courage de vivre à ciel ouvert, au-delà de tous les édifices construits, et accepter le mystère irréductible de l'existence et du monde. Et il y a peut-être d'autres choses qui sont associées à cet événement. Pourquoi est-ce que il a provoqué autant d'émotions dans le monde entier, y compris pour des gens qui n'avaient jamais vu la cathédrale? Oui, parce que Notre-Dame est le symbole d'une maternité. C'est une mère, Notre-Dame. Et c'est une maternité, un lien fort, congénital, qui a été touché. Et beaucoup se sont sentis orphelins. Et moi-même, le soir de cet incendie, je n'ai rien pu faire tellement il m'a bouleversé. Alors, on va un peu parler de science, hein. On est dans la conversation bien scientifique. Sûr. Vous dites, nous sommes désormais à ciel ouvert. En fait, j'ai l'impression que la pollution lumineuse fait que nous voyons de moins en moins le ciel, la Voie lactée. D'ailleurs, c'était mesuré par des chercheurs qui ont établi que la proportion de l'humanité qui peut voir la Voie lactée diminue fortement, puisque on n'est jamais dans des situations où l'obscurité permet de voir le ciel. Donc le ciel s'obscurcit dans ce sens-là, en même temps que les scientifiques nous dévoilent de plus en plus d'objets dans le ciel. Et par exemple, pour les scientifiques, mais aussi pour tout le monde, je pense, il y a eu un événement récemment qui était la première photographie d'un trou noir, ou plutôt la photographie de l'ombre d'un trou noir, qui a été publiée et qui a eu un certain écho à la surface entière de la planète. Ça, c'est un événement quand même qui nous ouvre d'une certaine façon sur un ciel qui se trouve peuplé d'objets que les équations d'Einstein avaient permis de prévoir, mais que lui ne pensait pas pouvoir exister. Comment est-ce que vous avez vécu l'événement? Est-ce qu'il vous a semblé être un événement déjà? Bien sûr, c'est un événement. Mais je l'ai vécu dans cette perspective que je disais tout à l'heure, de ciel ouvert et d'obscurité aussi. Trou noir. Le trou noir, le terme est extrêmement parlant. Et je crois qu'il faut que nous puissions tolérer l'obscurité. Je pense au vers de Virgile, que j'aime beaucoup. Ibant obscuri sola sub nocte per umbram. Il va falloir traduire. Je vais traduire. Ils allaient solitaires sous la nuit obscure. Et je le vois comme notre condition. Et voilà, accueillir cette immensité qui nous dépasse complètement. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors François Cassin-Génâtre veut dire, il y a beaucoup de citations en latin, justement, dans votre, pas toujours traduites. Vous traduisez le latin par ailleurs, vous traduisez des œuvres en latin. Oui. Qu'est-ce que représente pour vous le latin, le grec, les lettres classiques? J'ai un attachement viscéral au latin. Qu'est-ce que le latin peut dire que le français ne dit pas? Il y a dans le latin une gravité, un don de la condensation, aussi un impressionnisme. Dans la traduction, dans l'expression des sensations. Le latin, c'est comme des... Je me rappelle de ce que disait Pierre Grimal, que j'ai eu la chance d'avoir comme maître à l'école normale, et qui comparait une ode d'Horace à un mur romain avec un appareil de pierre. Donc, en latin, il y a un appareillage des mots qui donne une solidité. Tout ce qui est en latin me paraît plus solide. Plus vrai, donc? Donc plus vrai, plus durable. Plus éternel, si plus on peut éternel, dire. Plus éternel, si c'est possible, c'est vrai. Et tous les débats qui ont lieu sur à propos de l'enseignement du latin, vous intéresse-t-il ou Il m'intéresse au plus haut point. Et dans les chroniques, il y a une des chroniques qui aborde directement ce thème sur les lettres classiques. Et personnellement, je regrette beaucoup que l'on se coupe ou que l'on... que l'on néglige, que l'on oublie cette source, cette richesse énorme d'héritage. Et il ne s'agit pas du tout de quelque chose de ringard. Il y a là quelque chose, un humanisme profond auquel je crois. Et je pense que c'est très dommage que l'on s'en coupe. Il y a une chronique que j'ai beaucoup aimée qui s'intitule « Anna Corrès créatrice ». Vous citez un personnage de Monterland. J'aime beaucoup Monterland. C'est pas l'auteur le plus lu de l'époque. Non, pas du tout. Mais moi, je l'ai beaucoup lu, son théâtre en particulier. L'un de ses personnages dit « Je n'ai soif que d'un immense retirement ». Et vous empressez de faire la distinction entre retirement et retraite. Vous dites qu'il ne s'agit pas simplement de cette retraite dorée après laquelle tant de ronds de cuir aspirent et qu'ils s'empressent d'encombrer de futilité sitôt qu'elle leur échoit. L'océan qui se retire en l'occurrence ne capitule jamais, il bande là-bas quelque part, quelque temps, les énergies nécessaires à son retour, l'immense et muscle. Et vous parlez ensuite justement du flux des événements qui nous arrivent par les médias. Nous nous amusons sans fin à la devanture des jours et nous picorons les événements comme des friandises, alors que notre assiduité à coïncider avec l'actualité devrait se voir compensée sans cesse, comme dans un équilibre de force physique, par une propension toute pareille à nous en éloigner, non par indifférence ni lâcheté, mais par sagesse. Et vous concluez, l'Anna Corrès de nos jours, c'est un service public. Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends par là qu'il faudrait que chacun de nous puisse effectivement compenser son attraction pour l'actualité, son intérêt, qui est ô combien important, par un recul. J'aime beaucoup le terme de distance. Et je crois qu'il faudrait que nous cultivions cette distance intérieure qui n'est pas du tout une distance de mépris, mais une distance de sagesse. Les événements demandent à être médités. Il faut qu'ils sédimentent en nous, qu'on puisse y revenir et en faire une espèce de confiture aussi, peut-être à l'intérieur de nous. Et cela demande de la distance, de la... Je n'aime pas beaucoup le terme de méditation qui est à la mode, il m'agace. Mais garder les choses dans son cœur, c'est une expression évangélique. Et donc un événement, il ne faut pas simplement qu'il arrive, vous dites qu'il faut qu'il nous arrive. Il faut qu'il nous arrive. À l'intérieur. À l'intérieur de nous. Beaucoup de choses peuvent arriver à l'extérieur, qui peuvent nous laisser parfaitement indifférents, mais l'événement devient événement subjectivement à l'intérieur de moi, lorsque je l'assume, lorsque je le regarde, lorsque j'y compatis au sens forme du terme. Alors par exemple, prenons le cas des gares et des trains que vous fréquentez beaucoup. Beaucoup. Fréquenter les gares, c'est souvent fréquenter les trains, pas forcément, mais souvent. Et vous avez une chronique qui s'intitule « Les gares sans aller plus loin » où vous faites de l'attente du train dans une gare une sorte d'événement très riche. Une liturgie. Une liturgie. La gare institue le mouvement, elle consacre le fluide, elle s'érige en temple de l'exil. Car le voyage commence bel et bien avec elle. L'op équipé d'un sac, déjà s'est absenté vers d'autres continents de lui-même. Oui, chaque semaine, cet épisode de la gare, qui pourrait être de pure passivité ou d'attente, mais l'attente est importante dans nos vies. Notre vie est peut-être aussi une salle d'attente de beaucoup de choses. Mais savoir attendre et ne pas tuer le temps, recevoir ce temps d'attente et regarder autour de nous. Je crois qu'il y a une porosité des existences les unes aux autres. Et comme je le dis dans cette chronique, lorsque je suis dans une gare, j'accueille une espèce de porosité, toutes les existences qui m'entourent, en me disant qu'elles pourraient être les miennes, au fond. Mais les gares changent beaucoup. Enfin, il y a une évolution très rapide des gares. La gare Montparnasse change beaucoup. Pierre Dac disait « Au train où vont les choses où vont les trains vont bientôt cesser d'être des gares ». Est-ce que vous craignez qu'elles se déshumanisent ? Je serais très chagrin si elles se déshumanisaient. Parce qu'il y a un lieu d'humanité et peut-être d'unanimisme possible, à la fois tendre et violent. Ces deux aspects qui sont inséparables de notre vie. Il faut être réaliste. Mais pour que les auditeurs comprennent votre style d'écriture, est-ce que je peux vous demander de lire un bien extrait sûr, de la chronique sur les gares ? Avec plaisir, oui. Pour qu'on comprenne comment vous vivez l'attente dans les gares. Donc je lis à partir... Voilà. Très bien. Un piano offre son clavier à des fureurs maladroites ou à des délicatesses insolites. Des agents de la propreté poussent leurs chariots en se dandinant comme des canards. Des quémandeurs importuns butinent autour de regards absents. des amants s'étreignent dans une bulle de volupté qui leur rend le monde environnant invisible. Des bérets verts, famas sur la poitrine, se taillent dans la masse une marche impavide. Des cadres cravatés planifient tout haut leur réunion. Un casque acoustique sur la tête, des sportifs en mission représentative ou des manifestants satisfaits de leur journée de claque reconstituent leur bande crâneuse. 1000 molécules sociales autour de moi se font et se défont au gré des affinités, des affections, des affaires, selon des lois pareilles à cette déclinaison aléatoire dont la physique épicurienne pensait qu'elle présidait à la chute des atomes dans le vide éternel. Voilà, parce qu'on parle d'atomes que j'ai choisi ce passage. Mais vous parlez souvent de... On sent que vous êtes préoccupé, intéressé par la technologie. Oui, très. Notamment les technologies de la communication. Tout à fait. Vous avez une chronique sur les mails. Sur les mails, sur la page Facebook. Alors, Facebook, j'ai mis du temps à comprendre parce que vous ne parlez pas de Facebook. Vous parlez livre des visages. Le livre des visages. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que vous parliez de Facebook. L'horrible terme Facebook. Le livre des visages. Il faudrait franciser cette appellation d'urgence. Alors, justement, comment est-ce que le moine que vous êtes juge-t-il la technologie? Est-ce que c'est une sorte de sacré non religieux? Au sens où le rapport qu'on a à la technologie semble incontestable, on ne peut pas avoir de prise sur elle, sinon obéir à ce qu'elle indique. Oui, les moines se sont toujours intéressés à la technologie. Et c'est pas ce qu'on pense spontanément. C'est pas ce qu'on pense spontanément, mais l'usage de l'écriture, de l'imprimerie, les menaces, l'artisanat, donc. Le rapport à la réalité, à la matière, contrairement à ce qu'on croit, les moines ne sont pas des gens éthérés, mais j'espère pratiques. Et toutes ces technologies qui servent notre communication m'intéressent parce que je vois précisément cet essor de communication comme une tendance profonde de l'homme, qui n'implique pas toujours d'ailleurs la communion, mais qui est une recherche. Et la vie de Dieu, nous évoquions tout à l'heure la péricorèse, la vie de Dieu est pure communication. Donc, à l'horizon de notre existence, de notre désir, il y a une immense soif de communication, et dans la vie de Dieu, au moins la vie trinitaire est une vie de pure communication. Nous sommes faits. Mais est-ce que le moine que vous êtes, par exemple, échange des textos? J'échange des textos, parfois en latin, avec ma petite sœur. Les textos, alors vous dites que c'est un terme qui vient du XIVe siècle? Oui. Terme que vous préférez à SMS, évidemment. Oui, c'est bien mieux. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Mais le texto, lapidaire, silencieux, est une manière intéressante de communiquer, et parfois peut faire beaucoup de bien, peut faire du mal, il peut être vain, mais il peut réchauffer le cœur et signaler à quelqu'un que l'on pense à lui, en lui envoyant ce court message, peut-être un merveilleux acte de charité. Magnifique. Tout procède à la charité. Tout peut procéder à la charité. Bon, alors sur le livre des visages, autrement dit sur Facebook, vous écrivez une chronique très inspirante que vous concluez en disant « Il n'est point d'ami qui ne soit un mendiant ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que tous ceux qui demandent... qui viennent s'agglutiner sur cette page, tous ces échanges. Chacun attend d'être reconnu, chacun attend d'être regardé, d'être aimé au fond. Une immense soif d'amour. Et dans cette amitié virtuelle, malgré tout, il y a un amour qui se cherche. Je crois que c'est le fond de l'affaire, au fond. Dans ce monde qui peut nous déconcerter, il y a un amour qui se cherche. Et c'est cela, par-dessus tout, qui m'intéresse. Et vous pensez que le livre des visages aide à l'atteindre? Ou au contraire, c'est un crée de la virtualité? Il est virtuel, mais par expérience, cette expérience virtuelle, cette démarche virtuelle a pu aboutir sur des contacts très profonds et très intéressants. Vous pratiquez la randonnée intense, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être aussi certains sports extrêmes? comme sport extrême, je n'ai pas une constitution de malabar extraordinaire, mais j'ai un tempérament, oui, sportif et peut-être ascétique. Donc, je m'astreins tous les jours à me baigner dans la rivière à Ligugé, le Clain qui passe. Le Clain ? Le Clain. Et tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, été comme hiver, à midi. Et c'est une expérience charnelle et mystique incomparable. Mais quelle est la température de l'eau ? En hiver, je ne sais pas, mais peu importe. Vaut mieux pas savoir. Vaut mieux pas savoir, mais peu importe. Peu importe, c'est une expérience extraordinaire. Et vous y allez direct ? Et j'y vais direct. Tous les jours ? Tous les jours. Tous les jours. Il peut pleuvoir, neiger, geler. J'y vais tous les jours. C'est un exercice régulier, sacré, si on veut. Il faut aller à Londres pour en rejaillir vivant, comme dit Valérie. Et j'ajoute à cet exercice, de temps en temps, d'aller coucher dehors, sur la dure. Je fais un bivouac avec du feu. Voilà, j'aime beaucoup cette camenia, comme on dit en grec, couchée à la dure, comme faisait Socrate. Et ça fait du bien. Incroyable. Deuxième fois que je dis incroyable. Mais vous concluez cette chronique à propos de cette tentation croissante de nos contemporains à vivre des aventures entre guillemets extrêmes. Oui. Vous dites, chercherions-nous si passionnément la dure écorce du réel si elle était la seule à pouvoir nous prodiguer la caresse la plus sensible et la plus nécessaire dont nous avons besoin. Oui, nous avons besoin de toucher cette peau du monde. Nous qui sommes si souvent assis, qui avons contact si souvent virtuel avec la réalité, pouvoir toucher terre, et c'est profondément salubre, pour que notre chair vive, que nous soyons vraiment des vivants. Oui. Vous avez une barbe. Oui, est-ce que vous l'aviez avant que ça devienne la mode ? Oh, je l'avais. Ma barbe a à peu près 25 ans d'existence. Et ça a été un choix volontaire. Parce que vous avez une chronique sur les barbes qui est très très drôle. Très drôle, oui, c'est peut-être la plus drôle j'en du tout. Qui vous, la barbe court, elle couvre partout, elle ombre autour de nous tous les traits. Sa végétation envahit le visage de la multitude plus promptement que le gazon ne lève après l'ondée. Tous les parterres du beau monde sont gagnés par ce que certains tiennent pour une herbe tendre et d'autres peut-être pour de l'ortie. La jeunesse propage l'incendie, mais les générations plus racines ne sont pas en retrait sur la vogue. Les professions libérales entretiennent une tradition, les nouvelles élites s'entichent, les parlementaires forment une coterie, l'armée elle-même succombe avec discipline. Je me suis beaucoup amusé en écrivant cette chronique. Et vous concluez en disant « Nos squelettes seront imberbes ». Alors, vous avez des chroniques qui touchent les débats de société, par exemple la limitation de la vitesse à 80 sur les petites routes, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Oui. Vous n'avez pas le permis. Je n'ai pas le permis. Vous avez le code, je crois. J'ai le code, j'ai réussi mon code. Et puis j'ai calé à l'épreuve pratique de moto. Voilà, c'est un beau rêve qui n'ira pas jusqu'au bout, mais notre existence est faite aussi de rêves qui n'aboutissent pas, il faut l'assumer. Mais est-ce que vous comprenez ce débat, l'intensité de ce débat ? Je comprends. Qui n'est pas d'ailleurs sans lien, en tout cas en partie, avec les manifestations des Gilets jaunes. Bien sûr, oui. Les bolides connaîtront-ils leur crépuscule et le pôle qui aimante le progrès aurait-il changé de signe, reléguant les obstinés de la vitesse dans le purgatoire des retardataires ? Tiens, vous arrivez à faire d'un événement qui est quand même très, très prosaïque. Oui. Une lecture presque spirituelle. Oui, et c'est l'optique de ces chroniques. Au milieu de cette actualité foisonnante, que choisir, que repérer comme symptôme au fond de notre société ? Et c'est cela qui m'intéressait par-dessus tout. Et peut-être des traits apparemment anodins, comme la barbe, comme le 80, sont des révélateurs. C'est pour ça que je les ai choisis. Vous connaissez la règle de l'émission, on va écouter un morceau de musique que vous avez choisi. Et vous avez choisi, c'est bizarre, Résurrection, une symphonie de malheur. Difficile de parler après François Cassin-Jeunin. Très bien dit, pourquoi ce choix? C'est une question. Ce choix, parce que cette symphonie a offert Auferstehung, résurrection, éclatante, dramatique. J'aimerais mettre cette musique sur ce monde, douloureux, dramatique et magnifique, avec ce dynamisme de résurrection qui est tellement puissant et que j'espère pour moi-même et pour ce monde entier. J'ai découvert un peu par hasard que nous avions le même âge. Et donc j'aimerais avoir votre narration des souvenirs qui sont associés à des périodes assez reculées, comme par exemple la marche des premiers hommes sur la Lune en juillet 69. Vous aviez oui. 9 ans. J'avais 9 ans. Est-ce que vous vous souvenez de l'événement? Vous oui, l'avez vu sûr, en direct? Bien sûr, je me souviens très bien. À 4h du matin Nous étions en vacances au Croisic à ce moment-là. Et nous avions regardé sur une télévision, chez une fermière, des environs. Voilà. Et effectivement, c'est un de mes premiers souvenirs. Oui. Un autre événement dont vous parlez, la Lune n'est pas évoquée dans votre ouvrage synthétisant vos chroniques, mais mai 68, que vous présentez comme une sorte d'éjaculation collective d'iconoclasme. Vous avez un regard mitigé, j'ai l'impression. Mitigé sur mai 68. Je l'ai vu de ma fenêtre au sens propre, et c'est la manière dont je le présente dans la chronique, mais je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de mes parents qui étaient allés à la Sorbonne pour tâter le terrain, qui étaient revenus complètement déconcertés. Et puis de cette fenêtre ouverte du 30 mai, la déclaration du général de Gaulle, la chienlit au rancard, ça m'avait vraiment beaucoup marqué, cet événement. Beaucoup. Moi j'avais 10 ans comme vous, mais enfin presque comme vous, et j'avais beaucoup aimé moi les phrases autoréférentes, les phrases dont l'énoncé contredit le message, par exemple « Il est interdit d'interdire, oui. Soyons réalistes, c'est exigeons ça. L'impossible », qui était un slogan de Che Guevara. Et puis je me souviens avoir vu sur la façade d'un immeuble écrit en gros « Je n'aime pas écrire sur les murs », ce qui m'avait fait beaucoup rire. Il y avait aussi « Déboutonner votre cerveau aussi souvent que votre braguette ». Ça n'était pas à proprement parler une phrase autoréférente, mais je la cite quand même car je l'entends aujourd'hui comme un éloge anticipé de l'esprit d'ouverture cher à France Culture. Mais qu'est-ce qui dans mai 68 fait que ce souvenir que vous en avez est mitigé? Il est mitigé peut-être parce qu'il est lié d'une manière très concrète à cet abattis des arbres de l'avenue que j'évoque. Oui. Et symboliquement, ces arbres tronçonnés ont fait système avec une démolition, une espèce de rage. Voilà. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. C'est une corrélation que vous ajoutez, oui, que j'ajoute, aux événements que j'ajoute. Oui, tout à fait, oui. Et quand lorsque j'étais à Normal, la décennie qui a suivi, on sentait encore l'arrière-train, si j'ose dire, de mai 68. Vous parlez de football. Oui. Pourquoi avec vous, on s'attend à tout, y compris au fait que vous parliez de football. Et vous avez en effet une chronique qui s'appelle France-Allemagne. J'en lis un tout petit bout. Vous dites à propos du football, « Quoi qu'il puisse nous arriver à tous de poser en censeur des dépenses engagées et de la surenchère médiatique, de faire la moue sur les vulgarités ou les violences collatérales à de telles manifestations, c'est bel et bien là que campe désormais une religion consistante, c'est là qu'un salut se cherche, c'est là qu'une eschatologie se dessine. Nous ne pouvons plus nous dispenser de nous rendre à cette messe-là, sinon physiquement comme à une cérémonie, du moins mentalement comme à une évidence. » Donc j'en déduis que vous regardez les matchs de foot. Oui, je regarde. Et ça m'intéresse, comme toujours, ce qui m'intéresse, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, comme disait Terence. Et en toute expérience, en tout fait de société, ce qui m'intéresse, c'est l'homme dans ce qui se révèle de lui, ce qui se révèle dans le travail des hommes ensemble aussi, l'expérience humaine, chaleureuse, cette chaleur humaine qui se cherche, cette énergie humaine qui se dégage, et tout lieu, tout cela m'intéresse, oui. Voilà. Mais vous n'allez pas jusqu'à supporter une équipe particulière? Non, non, non. Et est-ce que vous êtes jaloux de cette religion-là, comme vous l'appelez ? Je ne suis pas jaloux, mais je ne pense qu'on ne peut pas y être indifférent. Parce que, au fond même, dans cette religion, c'est quelque chose d'extrêmement profond qui se cherche et qui se désire. Et là, on peut vraiment, il faut le prendre au sérieux. Même si les formes, apparemment, nous pourraient paraître profanes, au fond de tout cela, comme au fond de mon contact avec des marins pêcheurs ou des paysans, ou même l'armée récemment, voilà, cette humanité, cet unanimisme m'intéresse, au fond, cette humanité qui cherche à faire corps. Et c'est là que Dieu, je ne sais pas qui il est, mais c'est là que quelque chose de très profond se révèle. Vous parlez de l'intense, oui. Chronique qui s'intitule « Chocolat intense », vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, et vous déplorez que tout est désormais qualifié d'intense, le chocolat, le café, les voyages, les pays qu'on peut visiter. Et vous parlez aussi des produits de beauté pour les femmes. Vous êtes un expert. Non. Je vous cite. Ah bah si. Cherchez-vous, mesdames, ces menus mondanités de la toilette qui soulignent l'ouvrage de la nature. Le mascara volume intense, entre guillemets, de Guerlain, maquillage des yeux, vous procurera un regard vif et intense, entre guillemets. Est-ce un baume à lèvres qu'il vous faut? Osez l'intense avec le Chubit Stick de Clinique, etc. Vous connaissez les noms des produits de beauté pour femmes? Je suis allé voir sur Internet, j'ai tapé « intense ». Et là, j'ai eu une révélation, évidemment. Tout est intense. Tout était intense. Et à la manière d'un La Bruyère, où j'aime beaucoup nos moralistes du 17e, et je m'en suis donné à cœur joie. La peinture à base de résine épixidique, intense, garantira les sols, cependant que intense déco fournira le mobilier design, etc. Il y a de l'intense partout. Donc on peut plus vraiment souffler. Non. On est à fond en permanence. Non. On est survolté de manière permanente. Et vous dites que cette célébration mercantile de l'intense exhibe en définitive le refoulement désenchanté de l'éternité perdue. Nous ne pouvons pas toujours la même chose à partir d'un petit événement, voilà, d'une petite tendance, vous élevez ça à un niveau spirituel. Le cœur de l'homme se révèle à travers tout cela. Et nous ne pouvons pas être toujours dans l'intense. Nos journées elles-mêmes sont traversées d'anticyclones et de dépressions. Et il faut traverser tout cela. En fait, c'est vraiment la notion d'événement en sens de significatif. Ce qui fait événement. Ce qui fait événement. Et évidemment, vous n'échappez pas à l'idée la tentation plutôt d'un commentaire sur Monsieur Alexandre Benalla. Chronique très drôle. Vous dites ceci. Personne ne l'avait remarqué jusque-là et voilà qu'en épluchant, en exhibant à la hâte les archives photographiques du régime, c'était une évidence, c'était une obsession, c'était une preuve accablante. On le voyait partout dans la garde prétorienne la plus rapprochée, à pied, à bicyclette, en voiture, tenant à la fois du nounours, du gorille, du rugbyman en détente, du barbouze à l'affût, de l'armoire à glace cravatée, de l'appariteur d'université, sinon tout à fait de l'universitaire. Ecce homo. Oui, il y a beaucoup d'humour dans ces chroniques et l'exercice de style est difficile, mais il y a aussi par derrière toute une tradition de... Oui, de humoristique et comique. Et vous interrogez les médias et leur façon de traiter ce type d'événement. De même que l'homme est devenu un agent notoire de l'évolution climatique, les médias sont devenus des alchimistes et des industriels de l'histoire. Il n'y aura bientôt plus d'histoire que celle des événements auxquels ils donnent une consistance artificielle et une existence factice. Alors si on éliminait tous ces événements dont la consistance est artificielle ou l'existence factice, il resterait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait dire qui fasse vraiment événement et mériterait d'être appelé ainsi? Qu'est-ce qui resterait? Il resterait l'obscurité de notre ordinaire, avec ses joies, ses espoirs, tout ce silence intérieur, toute cette interrogation qui nous fait peur, l'homme livré à lui-même. C'est peut-être ça qui resterait. Il y a beaucoup de courage, je trouve, dans vos textes. J'imagine que... Oui, je pense que j'aurai des ennemis. Vous allez avoir des ennemis. Mais ça ne fait rien, il faut l'assumer. Il faut l'assumer fraternellement. Rester frère en tolérant que l'on puisse avoir des ennemis. Par exemple, on le disait tout à l'heure, votre ouvrage est en grande partie politique. Et vous parlez de la laïcité. Et la laïcité, vous contestez la forme canonique, si j'ose dire, qu'on lui donne aujourd'hui, en disant que on ne peut pas maintenir l'expression religieuse dans le seul domaine privé. Je vous cite, attendu que la religion n'instaure pas seulement un lien subjectif avec une instance transcendante, mais un lien social avec l'humanité saisie tout entière dans la communauté de son destin, la vie religieuse de l'homme demande par sa nature même à s'épanouir en public, comme aussi bien le service laïque du bien commun commande par sa nature même à s'approfondir en sentiments intimes, en mystique profonde. C'est comme si la religion et la laïcité se retrouvaient. Oui, se retrouvent. Dans l'Antiquité, la vie religieuse était publique, avec son caractère officiel qui pouvait paraître vain ou superficiel, mais malgré tout, elle était publique. Mais concrètement, si on retrouvait cette situation, cela se traduirait comment ? Moi, c'est pas nécessaire de faire des processions dans toutes les rues, je ne vois pas comme ça. Mais que l'on puisse honorer cette dimension métaphysique de l'homme, cette aspiration, qu'elle soit reconnue, qu'elle ne soit pas complètement évacuée, parce que là aussi, elle est profondément humaine, et on ne peut pas en faire fi. Et donc, comment est-ce que cette position, qui n'est pas radicale, mais disons hétérodoxe, est-elle reçue tant du côté de la religion que du côté de la société dite civile? Oui, du côté de la société, à vrai dire, je n'ai jamais eu d'ennui, personnellement. Et je me sens très à l'aise, au fond, le monde tel qu'il est. Du côté religieux, je ne suis pas non plus pour une démonstration, quelque chose d'ostentatoire. Je crois qu'il y a une dimension de pudeur aussi. Ce qui est important, ce n'est pas la réclame ou la retape, c'est la gravité de notre existence. Et donc son interrogation métaphysique. Et c'est cela que nous pouvons mettre en commun. Quel que soit que nous soyons officiellement religieux ou que nous soyons sans religion, mais là nous pouvons nous rencontrer. Et c'est important que l'on puisse ménager ce lieu de rencontre sans a priori. Vous employez souvent le mot miséricorde, un mot dont le sens ne m'a jamais semblé très clair. Oui. Est-ce que vous en avez une définition ? J'en ai pas vraiment de définition. Miséricorde, c'est le cœur qui s'apitoie. Je n'aime pas beaucoup ce terme. Et du reste, dans la chronique, je suis assez sévère pour le terme miséricorde, que je n'aime pas tellement au fond. Et cette chronique met en balance la miséricorde et le discernement. La miséricorde comme condescendance, non, je l'aime pas tellement. Je préfère le terme tendresse, qui me paraît plus profond et sans dénivellation. Faire apparaître la tendresse, oui. Ça, c'est important. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors, on parlait d'ennemis, vous parlez dans une chronique qui s'intitule « Du oui et du non ou la manif pour tous ». J'imagine que c'est une chronique qui va ne pas vous faire que des amis. Certainement. Puisque vous êtes partisan d'une forme d'ouverture qui n'est pas le lot commun de ceux qui sont dans ces manifestations. Vous dites d'ailleurs, il est bien connu que ceux qui applaudissent avec le plus d'ostentation au défilé militaire sont ceux qui cherchent à se faire pardonner de n'avoir pas été des soldats véritables. Donc vous pensez qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ces... Je ne juge pas, je ne veux pas juger ceux qui se sont engagés. Déjà, il y a quelques années, ce n'est plus un événement récent, dans un non. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a un oui qui précède tous les non et qui leur sert de fondement et qui est le oui fondamental de Dieu en Jésus-Christ pour ce monde et pour l'homme. Et ce oui-là, on ne peut pas l'oublier. Mais la phrase qui devrait en faire tiquer certains, c'est celle-ci. Nous, catholiques, dont le nom rayonne d'universalité, prenons garde qu'un boulangisme invétéré ne nous rétrécisse, que plusieurs siècles de comportements ligueurs ne grèvent notre présent, que trop de hantis ne nous collent à la peau, non, N-O-N, passerait-il pour notre non, N-O-M, Et quand nous aliénons beaucoup d'hommes et de bonne volonté, trop de noms déclarés ne nous fassent manquer les rendez-vous d'humanité dont nous devrions être les artisans inlassables. Il est des oppositions qui s'avèrent être aussi piégées que des compromissions. Et vous terminez en disant « Décidément, la véritable posture chrétienne dans le monde est celle de la différence, non celle de l'opposition, car celle-ci sommaire, brouillonne et non réfléchie, meurtrit à la longue la fécondité de celle-là. » Oui, c'est... Effectivement, je crois qu'il faut trouver notre place dans la cité. Je pense à un très grand texte du IIe siècle, l'épître à Diognète, qui se situe dans cette perspective de différence, même dans un contexte de persécution. Mais être chrétien, c'est être ouvert de l'ouverture même du Christ, que j'évoque en décrivant ce beau Christ de Saint-Michel de l'Aiguille au puits, le Christ au cœur ouvert, au corps ouvert aussi, non pas dans la mièvrerie, ni dans la sanguinolence, mais dans une attitude fondamentale. Alors, il y a des pages où vous êtes évidemment ouvert, comme vous le dites, mais d'une certaine façon sévère. C'est lorsque vous parlez des scandales sexuels qui ont éclaté dans l'Église. Et là, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, si j'ose dire. C'est vrai. Je ne sais pas si je peux lire, mais vous dites par exemple « Il faut un sérieux toupet pour poser en profondeur du mariage pour tous et écarter les divorcés remariés de l'autel au milieu de telles galipettes. » Oui, je crois que c'est tout notre rapport à la chair qui est à revoir, avec humilité, avec réalisme, et non pas avec angélisme. Vous dites « une chair dont enfin nous ne nous cacherons plus les uns aux autres, ce qu'elle a de difficile, une chair dont nous explorons ensemble, avec tout le monde, comme tout le monde, ce qu'elle a de magnifique. » C'est une phrase un peu ambiguë d'ailleurs, hein, oui. C'est pas une conclusion nette. Non, c'est vrai. Et sur le futur, vous avez une chronique qui s'appelle Inferno, qui parle du changement climatique et oui. Puis d'une façon générale... de tous les problèmes dans l'environnement que signalent les scientifiques. Diminution des espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution des sols, de l'eau, de l'air, déforestation. Tous les indicateurs sont alarmants et toutes les projections sont inquiétantes. Et vous écrivez ceci, que j'ai trouvé très fort, vous dites « Les humeurs sécrétées par l'ère industrielle ont atteint désormais une masse et une efficacité suffisantes pour que l'homme se découvre ahuri, comme ce cinquième élément du monde, capable de déconcerter le jeu, l'harmonie des quatre autres, que la cosmologie traditionnelle croyait imperturbable. L'homme, cette quintessence, réalise sa faculté de conduire l'univers au chaos, le conquérant grisé par l'encens des turiféraires, qui lui prêtait des attributs de monarque définitif, commence de concevoir que son épopée désinvolte puisse se réduire à un simple épisode, dont des sédiments sans âge et sans âme conserveront à peine les fossiles. » Terrible, la messe oui. est dite, là. Oui, la messe est dite. Alors, comment est-ce que vous pensez l'avenir et comment est-ce que vous envisagez qu'on puisse réenchanter le monde? Je vois, c'est la grande question, précisément. J'évoquais précédemment cette voûte de Notre-Dame effondrée. Et effectivement, notre grande difficulté aujourd'hui, c'est de trouver un réenchantement, mais un enchantement qui ne soit pas une compensation, une simple consolation. Il y a un énorme travail à faire, spirituel, et je crois que c'est vraiment la tâche qui nous attend. Et ce réenchantement vient déjà, il a plusieurs sources que j'évoque dans une des chroniques aussi, le retour, pas un retour, mais une attention aux Saintes Écritures en particulier, une attention profonde à la réalité, au monde qui nous environne, une tendresse pour ce monde, et aussi des relations humaines véritables, profondes, cordiales, pleines de tendresse, qui sachent aller au cœur de l'homme. Voilà, donc un humanisme, mais pas certainement pas un humanisme scintillant et facile, un humanisme qui va au fond du chose. Et tout cela dans notre immense précarité. Mais vous parlez d'une attention à la réalité. Alors, j'ai une question pour vous de la science. La science nous dit aussi des choses sur la réalité. Comment est-ce qu'on doit les intégrer, y compris dans le rapport au sein des écritures que vous évoquez? Est-ce que on doit faire une lecture littérale? Est-ce qu'on doit intégrer dans la façon de comprendre les textes ce que la science nous apprend? Est-ce qu'on doit faire parler les astrophysiciens et les théologiens du Big Bang? Est-ce que voilà, comment concrètement on tient compte du réel tel qu'il est dévoilé par la science? C'est une belle question. Le rapport à l'écriture n'est pas un rapport magique. Il est évident que les écritures ne nous révèlent pas la manière dont le monde s'est fait comme un compte-rendu journalistique. On n'est pas dans le fondamentalisme. Là, encore une fois, c'est l'homme qui est au cœur. Et nous avons beaucoup à apprendre et à écouter de ce rapport scientifique à la réalité. Et notre foi doit absolument l'intégrer. C'est indispensable. Il n'y a pas de foi en dehors. Est-ce que c'est une pratique commune dans les monastères ou dans les milieux ecclésiastiques de s'informer de ce que la science, je vais pas dire qu'elle révèle, mais en tout cas, elle déconstruit certaines... En tout cas, il faut accepter la déconstruction. Contre-vérité. Il faut accepter la déconstruction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de déconstruction à accepter pour survivre et pour réenchanter après. Donc c'est une tâche. La tâche qui est la nôtre aujourd'hui est austère, difficile. Et un peu contradictoire parce que vous plaidez pour une sorte de retour à la lecture des Saintes Écritures. Oui, oui. Et en même temps, donc une sorte de retour au passé. Et en même temps, vous réclamez une forme de réforme très fondamentale des pratiques. C'est vrai. Mais ce rapport à l'écriture n'est pas du tout nostalgique. Il est aller au fond du mystère, au fond. Du mystère qui se révèle dans ces textes. Et non pas les prendre d'une manière fondamentaliste ou superficielle. Mais quand on entend certains parler de l'avenir tel qu'il se présage, se montre déjà, par notamment des connaissances scientifiques, on a l'impression que le présent est en route et même en déroute pour l'abîme. C'est-à-dire que il va se passer des évolutions qui vont rendre la condition humaine plus difficile. À cause du changement climatique, par exemple, mais pas seulement. Oui. Et donc, le réenchantement spirituel pourrait-il suffire à contrecarrer des forces physiques qui risquent d'être inéluctables? Ce réenchantement n'est pas une béatitude ou un bonheur facile. Il réclame de l'action. Il réclame de l'action et il réclame de la gravité. Que nous soyons capables de regarder en face, eh bien, notre précarité et nos responsabilités. C'est pas du tout un réenchantement magique ou facile. D'ailleurs, à propos du changement climatique, vous concluez de la façon suivante. Tout milieu qui s'échauffe devient instable. Il semble que l'homme lui-même, perdant son ancestrale gravité, participe désormais partout de la turbulence cyclonique, dans ses excès de viveur comme dans l'affolement qui bientôt leur succède. Que si le Titanic de la civilisation doit se précipiter sur le dernier iceberg que laisserait dériver le grand dégel, il faut au moins que l'homme, son capitaine, garde la tête froide. C'est le reste de dignité, le dernier point d'honneur que l'on attend de lui. Car la panique ne saurait se faire passer pour l'action, ni la culture de la panique pour l'exercice des responsabilités. Tout est dit. Oui, et j'aime beaucoup ce terme de dignité. Il faut que nous gardions notre dignité. Alors, par exemple, comment est-ce que vous voyez les jeunes gens qui, un peu partout dans le monde, manifestent pour le climat? Pour le climat. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de ventriloquisme infantile, ou est-ce qu'au contraire, il y a là quelque chose de très profond qui se dit? Je pense que quelque chose, là aussi, se cherche. Et qu'il faut l'écouter. Et que c'est heureux qu'enfin, une voix collective, unanime, commence à s'inquiéter et pèse, représente un certain poids. C'est un symptôme qui mérite d'être pris en considération. Vous arrivez de rencontrer des jeunes gens pour... Ça ne m'est pas arrivé jusqu'à présent. Mais... Vous avez des étudiants, oui. Est-ce que vous sentez ce que je vois, c'est que d'un point de vue théologique, par exemple, cette question émerge davantage, elle devient beaucoup plus présente sur la scène théologique. Sous quelle forme, par exemple ? Sous la forme d'études, sous la forme, je pense à l'encyclique du pape François, qui est quand même extrêmement symptomatique. La première, premier texte qui s'occupe précisément de ce thème. Comment est-ce que vous présenteriez, en moins d'une minute, la fin de l'émission approche, l'esprit de ces chroniques ? Elles sont un regard sur ce monde douloureux et magnifique. J'aime bien l'expression de Saint Paul VI, du pape Paul VI dans son testament. Et un regard profondément empathique, c'est-à-dire ce monde ne m'est pas indifférent. Je suis en lui et il est en moi. Et je le porte en moi profondément et je suis de lui. Et il me tient profondément à cœur et je l'aime. Et c'est parce que je l'aime que mon jugement parfois peut être sévère. Mais c'est parce que je l'aime. Merci pour cette politesse de l'esprit dont je parlais en préambule. François Cazaginat Trévedi, j'ai l'impression que vous êtes un esprit libre. Très libre, et je tiens beaucoup à cette liberté. Pour moi, le Christ est d'abord un homme libre. Je suis désolé de vous avoir fait rater votre bain quotidien dans le Clain, qui est la petite rivière qui coule aux abords de votre monastère à Ligurgé. Voilà, merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le train pour nous rejoindre. C'était la conversation scientifique par Étienne Clain, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jean-Michel Bernaud et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour Le Temps des Écrivains.